إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن شاء الله nous allons commencer l'explication d'un livre, que tous les طلاب العلم, tous les élèves qui commencent dans la demande de science, commencent par ce petit livre. C'est une petite risale. C'est une petite risale. C'est un message que Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab a fait. Donc, pour montrer les bases de la religion que chaque musulman doit connaître. Chaque musulman doit connaître. Tu n'es pas excusé. Tu dois, tu dis pas, je ne savais pas. Une fois que tu seras entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et quand il va te poser la question, tu ne vas pas dire je ne savais pas. Donc, c'est une obligation. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne font pas attention à ça et ne cherchent pas à apprendre, mais c'est une obligation. Donc c'est une petite risala, inchallah, qu'on va voir. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais expliquer l'idnillah. Donc, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, c'est, tu vois, les trois fondements. On appelle ça al-usulu al-thalatha. Tu vois, al-usulu al-thalatha. Donc les trois, ils appellent ça trois fondements ou trois principes fondamentaux. Trois principes fondamentaux, c'est la base. Donc ici, Cheikh, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ici, le Cheikh, il dit, il commence par quoi? Il commence par al-Basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On l'appelle comment? On l'appelle al-Basmala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il écrivait, qu'il envoyait des messages au roi, il écrivait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le Coran, à chaque fois qu'il y avait un verset qui descendait, il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Dans les écritures. On parle dans les écritures, pas dans... Et certains l'emploient aussi dans les messages. Dans la parole, quand ils commencent un discours, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais, normalement, lors des prêches, on commence par Inna alhamdulillah. Donc on remercie Allah Azza wa Jal, louange à Allah. C'est dans la parole quand on fait un prêche. Ici, dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est un nom. Ar-Rahim, c'est un attribut. D'accord? Le clément, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, le miséricordieux. Ar-Rahim. Ça veut dire miséricordieux. Ar-Rahim. C'est-à-dire que cette miséricorde, Allah Azza wa Jal la garde pour ses serviteurs qui sont musulmans. Hein? Comme on l'avait vu dans un hadith où la femme, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu une femme et il a dit à Sahaba, est-ce que vous croyez que cette femme va jeter son enfant en enfer? Et les Sahaba, ils ont dit non. Ils ont dit Allah Azza wa Jal, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la miséricorde de cette femme envers son enfant. Allah Azza wa Jal Rahim. D'accord? Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et dans tous les livres que les savants font, ils commencent par cette expression, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. D'accord? Ensuite, Cheikh, il dit quoi? I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ensuite, le cheikh, il dit quoi? Sache. Regarde, il a commencé par quoi? Il a commencé par le verbe. Il a dit sache. I'lam. Ici, pour attirer ton attention. Pour te dire que ce qui va suivre est très important. Sache. I'lam. Ensuite, il te fait un dua. Et tu ne dis pas de suite, c'est quoi les choses que tu dois connaître? C'est quoi les choses que tu dois apprendre? Ensuite, il te dit, tu fais quoi? Rahimakallah. Qu'Allah te fasse miséricorde. Tu vois, il te fait passer le message, mais en douceur. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Il dit pas pour soi, il dit pour nous, ben lui. Il est obligatoire. Et on a vu que l'obligation, c'est si Al-Mukallaf la délaisse, il aura une sentence et un châtiment. Comme la prière. La prière, c'est obligatoire. Le jeûne, il est obligatoire. D'accord? On ne peut pas dire c'est une sunna, c'est conseillé. Non. Obligatoire. Donc, automatiquement, quand on entend obligatoire, c'est-à-dire que si tu le délaisses, tu auras un châtiment, une sentence. D'accord? Comme quand on dit adorer Allah, c'est une obligation ou Obligation. conseillé? C'est une Obligation. obligation. Donc celui qui n'adore pas Allah Azzawajal en général, il aura une sentence. La sentence, c'est qu'Allah Azzawajal va le punir. Après, tout dépend de l'ordre que la personne a repoussé. D'accord? Celui qui a menti, il a désobéi à Allah Azzawajal. Mais le degré n'est pas le même que celui qui ne crie pas. Celui qui a volé, par exemple, c'est pas le même degré, le péché qu'il a fait, c'est pas le même péché que celui qui tient pas parole. Celui qui a volé, le péché, donc les péchés, ils ont des degrés. Donc ici, il te dit, il te dit pas, allez, car il te dit pas, il est obligatoire pour toi. Il te dit, il est obligatoire pour nous. Il te dit, il est obligatoire pour nous. Alayna ta'allumu arba'i masa'il. Obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Al-mas'ala, donc la première chose, il te dit, al-ilm. Wa huwa ma'rifatullahi, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dini l'islami bil-adillah. D'accord? Et tu dis la première chose? La science. Ensuite, il t'explique c'est quoi la science. Et on ne parle pas ici de la science. Donc, nous, ici, on parle de la science dans la religion. Et pour t'expliquer, ensuite il te dit, Wahua, l'ilm c'est quoi? La science, il te dit, c'est connaître Allah. C'est la connaissance d'Allah. La connaissance de son prophète. Allez, salatu wassalam. Ensuite, la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Avec ses preuves. Donc chaque chose a une preuve. Donc, l'ilm, la science. La science, il a commencé par ça parce que sans la science, tes actes, c'est comme si tu construisais une maison sans base. T'as pas la base. T'as pas construit la base et tu construis. C'est comme l'exemple de la science. Et ce qui va à l'encontre de la science, c'est l'ignorance. Et comme ils disent les savants, Allah est adoré avec science et pas avec ignorance. Allah est adoré avec science et non pas avec ignorance. Donc, pour connaître, pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut le connaître. Pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut les connaître. Il faut les connaître avec les versets, il faut le connaître avec ses noms, il faut les connaître avec ses attributs, d'accord? Le connaître au travers le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord? Donc ici, la science. Et la science, le prophète alayhi salatu wassalam en parle dans plusieurs hadiths. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il en parle dans plusieurs versets. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Donc ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, Allah témoigne comme quoi il n'y a nulle divinité que lui. شهد الله أنه لا إله إلا هو. Et les anges. Ensuite, qui ont témoigné après Allah qu'il n'y a nulle divinité que lui? Les anges. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. Allah a témoigné qu'il y a une divinité que lui. Ensuite, les anges ont témoigné. Les malaïka. Wa ulul ilm. Et ceux qui sont doués de science, ceux qui ont la science, les savants. D'accord? Shahid Allah annahu la ilaha illahu. Wa les malaïkatu. Wa ulul ilm. Qa'iman bil qist la ilaha illahu. Ici, les savants dans ce verset, ils ont dit ici, il y a une grande faveur pour ceux qui ont la science. Pourquoi? Parce que Allah, parce que Allah a mis là le témoignage des savants au même degré que le témoignage des anges. Allah a mis le témoignage des savants au même degré que le témoignage des anges. Maqroun. Yani ja'ala Allah azza wa jalla shahadat al-ulama maqrounatan bi shahadat al-mala'ika. D'accord? Donc le premier à témoigner qu'il y a une divinité qu'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Shahid Allah, annahu la ilaha illa. Allah a témoigné qu'il y a une divinité que lui. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans un autre verset, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah fait élever ceux qui ont cru parmi vous. Allah les fait élever. Allah fait élever ceux qui ont cru parmi vous et qui ont reçu quoi? L'argent? Qui ont reçu des femmes, qui ont reçu la femme. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah fait élever ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science des degrés. Et si les savants, ils ont dit, Allah fait élever ceux qui ont eu la science dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a des degrés. Et Allah fait élever. D'accord? Et comme on avait vu aujourd'hui au prêche, il avait cité un hadith, qui est un hadith, qui est un hadith authentique. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie que dans deux choses. La première des choses, c'est quelqu'un qui a reçu de l'argent. Quelqu'un que Allah Azzawajal a comblé de bienfaits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne dans le sentier d'Allah ce que Allah lui a donné. Donc, toi, tu te dis, si j'étais comme lui, si j'avais cet argent qu'il avait, moi aussi je ferais comme lui. Je donnerais tout ça bien, je donnerais aux gens qui n'en ont pas, je donnerais aux orphelins, je donnerais aux gens qui en ont besoin. Et l'autre personne, c'est qui? C'est une personne qui a eu la sagesse. Une personne qui a eu la sagesse. La sagesse, c'est plus que la science. Personne peut avoir la science, mais peut-être qu'elle n'a pas forcément la sagesse. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit dans un verset, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui qui a reçu la sagesse, il aura reçu un grand bienfait. D'accord? Donc tu peux avoir de la science, mais tu n'as pas la manière de transmettre cette science. Tu n'as pas la manière de montrer le chemin aux gens. Au contraire, peut-être que tu as la science, mais tu vas plus égarer les gens. Et tu vas plus éloigner les gens du chemin d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ici, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui qui a reçu la sagesse, il aura reçu un grand bienfait. D'accord? Donc, le prophète, alayhi sallam, il dit, il n'y a pas de jalousie que dans deux choses. Quelqu'un qui a reçu de l'argent, il a reçu des biens, donc il le donne dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Et quelqu'un qui a reçu la sagesse, فَهُوَ يَعْمَلُ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Donc, cette personne qui a la sagesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la met en pratique dans sa vie de tous les jours, et en même temps, elle apprend aux autres. Donc toi, tu te dis, si seulement j'avais... Mais c'est pas un hasad ou un ghibta comme il est. Ghibta, c'est quoi? C'est quoi la différence entre hasad et le ghibta? En fait, c'est deux mots en arabe. La jalousie, en fait, il y a un autre mot, c'est... En français pour le traduire, et je trouve pas le mot, mais le ghibta en arabe, c'est vouloir une chose sans vouloir que cette personne ne l'ait plus. Vouloir une chose, mais sans vouloir que cette personne ne l'ait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Brahim, il a une voiture. D'accord? Moi, je me dis, il a une belle voiture. Moi je me dis, si vraiment si j'avais l'argent, j'achèterais comme cette voiture de Brahimila. Des fois les gens ils te disent, Hassan c'est quoi la jalousie? C'est carrément, ils veulent pas que tu aies cette voiture. Carrément, ils veulent pas que tu aies cette voiture. C'est une différence entre le ghibta, on appelle ça en arabe le ghibta, et la jalousie. La jalousie c'est que, en fait, ils détestent que ça. Ils veulent pas que tu l'aies. Ils veulent pas que tu aies des enfants. Ils veulent pas que tu aies un foyer. Ils veulent pas que tu aies de la science. Ils veulent pas que tu aies ça. Il veut que ce bienfait que Allah Azza wa Jalla te donne, ou que tu as, il veut que tu l'aies plus. D'accord? Ça c'est, on appelle ça, les jaloux. C'est que tu dis jaloux, c'est ce que tu dis au foot, il est jaloux de toi, il veut pas que tu marques, il veut pas que... D'accord? Il est jaloux, donc la jalousie, contrairement à la répa, c'est quoi? C'est, et tu dis franchement, s'il pouvait, je l'aurais comme lui. Si j'avais cette force, ou j'avais ce physique, ou j'avais... Oh, franchement, il joue bien, tu vois. Masha'Allah. Et ça, c'est une différence. D'accord? Donc, le prophète Al-Islam, il te dit qu'il n'y a pas de jalousie. que dans deux choses, mais dans ces deux choses, c'est vrai pas. C'est-à-dire que de ce bienfait, tu veux que cette personne l'ait toujours et tu voudrais l'avoir. D'accord? Tu voudrais l'avoir. Donc, et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salatu salam, il dit من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Donc ici dans ce hadith, le prophète alayhi salam, il te dit que il y a un chemin qui mène vers le paradis qui s'appelle le chemin de la science. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل. وفي روايه سلك الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui prend un chemin dans lequel il demande la science, Allah lui facilitera un chemin qui le conduira au paradis. Celui qui prend le chemin de la, celui qui prend le chemin de la science, Allah lui facilitera un chemin ou lui donnera ou lui, il lui, il le guidera vers un chemin qui le ramènera au paradis. D'accord? Donc les plusieurs versets. Plusieurs versets, là, le premier verset qui est le Iqra, Bismi Rabbika li, Iqra Bismi Rabbika alladhi khalaq, ni au nom de ton Seigneur. Donc il y a plusieurs versets, plusieurs hadiths qui parlent de la science. Et les ulama, ils ont passé toute leur vie à demander la science, comme on l'a demandé à Imam Ahmed, quand on l'a vu avec son encrier, il a vu comme. Si tu veux, il avait un bouquin, ou il avait un cartable, un sac. Et il lui a dit, jusqu'à quel âge, jusqu'à quand tu vas prendre ton cartable, tu seras toujours avec ton cartable pendant crier et tout. Il leur a dit, avec mon cartable, jusqu'à la tombe. Min al-mahbara ila al-maqbara. Donc je serai toujours avec mon cartable jusqu'à que, comme on enterre, jusqu'à que je sois enterré. Donc pour te dire que la science n'a pas de fin. Et par-dessus chaque savant, il y a un savant. D'accord? Tu ne peux pas dire non, ça y est, lui il sait tout. Non. Il n'y a personne. Même les savants, ils continuent, ils te disent, on est juste des demandeurs de science. C'est les savants qui sont humbles, des grands savants. Comme Al-Albani, les grands, Ibn Hajar al-Asqalani, même Ahmed, même Shafi. Ils te disent on est des demandeurs de science. On est encore des demandeurs de science. D'accord? Donc, la première des choses, al-ilm, la science. Ça prend. Et subhanallah, Ibn Qayyim dans son livre Miftah Bas Sa'ada, il te dit la science, elle se résume en quatre étapes. La science, elle dit c'est quatre étapes. La première des choses, c'est l'entendre. Traité oreille. Deuxième des choses, mémoriser. Avoir une bonne mémoire. Troisième des choses, écrire ce que tu vas apprendre. Parce que la chose qui est écrite, elle ne s'oublie pas. D'accord? Quatrième, cinquième des choses, c'est le fait de réviser pour ne pas l'oublier. Sixième, donc je crois que c'est le sixième, c'est le faire circuler et propager cette science que part. D'accord? Par le biais de la da'wah, par le biais de rappels que tu fais autour de toi. Tu dis ça, Allah tu dis ça, c'est les quatre étapes de la science. Quatre étapes de la science. C'est le fait d'utiliser le fait de le propager, de faire le rappel et en parler autour de toi de ce que tu apprends. Allah, c'est comme si tu mettais, et c'est comme si tu enterrais de l'or sous terre. Il ne sera jamais anéanti. Il sera toujours là. Et cette science, ça sera toujours là. Même Shafi'i, il te dit, écris ce que tu apprends. Car c'est de la folie que le Fayyad, car c'est de la folie que le chasseur chasse une gazelle, puis la laisse sans l'attacher. Tu vois, c'est de la folie qu'un chasseur chasse une gazelle et il la lâche il la laisse comme ça. Si tu attrapes quelque chose, il faut que tu l'attaches, tu veux l'avoir. Et tu dis de la science, ramasser, tu ne l'écris pas. Tu vas oublier. Parce que la nature de l'être humain, c'est quoi? Elle est insane, c'est-à-dire. Insane, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui oublie. C'est quelqu'un qui oublie. Elle est insane. D'accord? Donc, elle est élue. La première des choses, c'est la science. Et la première des conditions de l'ilaha illallah, c'est la science. La science. Et, subhanallah, Ali radiallahu anhu, il dit, les gens qui ont le plus d'importance, c'est les gens qui ont la science. Et les gens qui ont le moins d'importance, c'est les gens qui ont de l'ignorance. Les gens qui ont le plus d'importance, c'est les gens qui ont de la science. Et les gens qui ont le moins d'importance, c'est les gens qui ont de l'ignorance. Allah. Est-ce que Allah Azzawajal te dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? La réponse est non. La réponse est non. Automatiquement. Est-ce que tu vas comparer la nuit et le jour, la lune et le soleil, c'est incomparable. Allah Azzawajal dit, c'est pas pareil. Donc, ça c'est la première des choses à retenir. La science. Ensuite, il explique c'est la connaissance d'Allah. Donc comment tu vas connaître Allah? Avec ses signes, avec sa création, avec ses versets qu'il y a dans le Coran, avec les histoires des prophètes, avec les attributs, ses noms, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ma'arifatullah. Pour que tu saches savoir que c'est Allah qui t'a créé, qu'Allah qui t'a comblé de bienfaits, qu'Allah qui t'a tout donné. Il n'y a pas un bienfait en vous qui ne soit émané d'Allah. C'est Allah qui t'a donné. Il n'y a pas un bienfait en vous qui vient d'Allah. Tout ce que tu as, ça vient d'Allah. Tout ce que tu as. Allah Azzawajal, il a tout créé. Huwa khaliqu kulli shay. Donc il a tout créé, subhanahu wa ta'ala. T'as donné l'ouïe, t'as donné la vue, t'as donné tout, subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah Azzawajal dit « Wa in ta'uddu ni'matallahi alaykum la tuhsuha ». Et si vous essayez de recenser les bienfaits que Allah vous a donnés, vous n'arriverez jamais à les recenser. Quand ici en France ils font le recensement, pour voir le nombre de bienfaits pas. Exact. Recensement. Et ici, Allah Azzawajal, il a employé ce mot en arabe. Wa in ta'uddu. C'est compté, mais avec précision. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de recenser les bienfaits d'Allah en vous, vous n'arriverez jamais à les recenser. Tu peux pas. Tu vas me dire, ouais, j'ai dit, Allah Azzawajal m'a donné cette maison, il m'a donné ça. Tu n'y arriveras jamais. Tellement il y en a. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. Connaître son prophète عليه الصلاة والسلام et croire et avoir la certitude que c'est le sceau des prophètes, que c'est le dernier prophète عليه الصلاة والسلام, que c'est lui عليه الصلاة والسلام qu'il faut suivre et qu'il ne parlait pas de lui-même et il ne parlait pas avec passion et il ne parlait pas avec instinct. Mais c'était une révélation qui descendait sur lui et qui la transmettait aux autres. Et avoir la certitude que c'est la meilleure créature sur terre. Et avoir la certitude que pour adorer Allah Azzawajal, il faut suivre le prophète. Que l'adoration d'Allah Azzawajal sans le fait de suivre le prophète est une adoration vaine. Qui n'a pas de prix. Qui vaut rien. C'est-à-dire, suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est une condition dans l'acceptation de ton adoration. Et ça, beaucoup de gens font un amalgame. Ils suivent que, ils disent, ouais, on a le Coran. Pourquoi on suit le prophète? Donc, comme je dis, le fait de suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation. Car tu ne peux pas prier sans suivre la sunna du prophète alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal qui, donc on a des versets. Et comme comme Cheikh Al-Taymiyyin, rahmatullah alayhi, Cheikh Al-Taymiyyyin, qui disent tout le temps suivre le dalil. Tout le temps être avec le dalil. Le dalil c'est quoi? Kitab ou sunnah. Le dalil la preuve. Kitab ou sunnah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Regarde ce verset et médite-le. Allah Azza wa Jal, il dit فلا وربك. Allah Azza wa Jal jure par lui-même, subhanahu wa ta'ala, il dit فلا وربك لا يؤمنون. Ils ne seront pas croyants. Là, tu ne seras pas croyant. Jusqu'à qu'ils te rendent juge par rapport au conflit qu'ils ont. Jusqu'à qu'ils te rendent comme juge par rapport au conflit qu'ils ont. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون حرجا ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت. Puis ils trouvent pas une rancune au fond d'eux par rapport au jugement que tu as donné. Et ils se soumettent pour cette limite, cette limite. Et ils se soumettent à 100%. Donc une fois que le frère le mauvais messager a jugé d'un conflit que entre un musulman et un autre musulman, tu n'as pas encore à dire non, pourquoi, non. Si tu dis non, pourquoi, tu ne seras pas croyant. Pourquoi il a donné raison à lui et pas à moi? Tu vois ce verset? C'est que tu écoutes, il est semé un ou atana. Le prophète allait son petit verset. Oui, c'est pas autre chose, pas d'autre. D'accord? Et dans un autre verset, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, dans un autre verset, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que fasse attention ceux qui vont à l'encontre, ceux qui vont à l'encontre de ses ordres, que fasse attention ceux qui vont à l'encontre de ses ordres, qu'il leur arrive un souci bon fitna, qu'il leur arrive des troubles, une fitna, des troubles des choses dans leur vie. Les petits là, comment on appelle ça, une masa'ib, une fitna, tu vois, le fitna, comme il l'a expliqué l'imam Ahmed, il l'a expliqué par shirk. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ou qu'il leur arrive un dur châtiment. Dans la vie ici-bas, que fasse attention ceux qui vont à l'encontre des ordres du prophète alayhi wa sallam, qu'il leur arrive des troubles dans leur vie ou un dur châtiment. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dans un autre verset il dit إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tu vois, médite bien ce verset. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dans ce verset Allah Azza wa Jalla dit la parole, certes, la parole des croyants. La parole des croyants. Certes, la parole des croyants, quand ils sont appelés à être jugés par Allah et son prophète, qu'ils disent Sami'na wa ata'na. Ici, on rade. Allah a dit Allah et son prophète. Il n'a pas dit ça Allah. Certes, la parole des croyants, quand ils sont appelés à être jugés, à être jugé, c'est Allah Azza wa Jal qui te juge, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te donne des directives, c'est celui qui te donne des ordres. Donc c'est lui qui te juge, bon, qui est ton garant. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ.